Ici, peut-être est-il nécessaire de faire observer que la maison de la baronne conservait toute sa splendeur aux yeux de la Queen Bête, qui n'était pas frappée de la décresse écrite sur les fauteuils rongés, sur les draperies noircies et sur la soie balafrée. Cet appartement, toujours éclairé pour la cousine Bête par les feux de Bengale des victoires impériales, resplendissait donc toujours. Avec le temps, la cousine Bête avait contracté des manies de vieille fille assez singulières. Ainsi, par exemple, elle voulait, au lieu d'obéir à la mode, que la mode s'appliquât à ses habitudes et se pliât à ses fantaisies toujours arriérées. Cet esprit rétif, capricieux, indépendant, l'inexplicable sauvagerie de cette fille, à qui le baron avait par 4 fois trouvé des partis, un employé de son administration, un major, un entrepreneur des vivres, un capitaine en retraite, et qui s'était refusé à un passementier, devenu riche depuis, lui méritait le surnom de chèvre que le baron lui donnait en riant. Mais ce surnom ne répondait qu'aux bizarreries de la surface, à ces variations que nous nous offrons tous les uns aux autres en état de société. Cette fille qui, bien observée, eût présenté le côté féroce de la classe paysanne, était toujours l'enfant qui voulait arracher le nez de sa cousine et qui peut-être, si elle n'était devenue raisonnable, l'aurait tuée en un paroxysme de jalousie. La cousine Bête, la sauvage Lorraine, quelque peu traîtresse, appartenait à cette catégorie de caractère plus commun chez le peuple qu'on ne pense et qui peut en expliquer la conduite pendant les révolutions. Au moment où cette scène commence, si la cousine Bête avait voulu se laisser habiller à la mode, si elle s'était, comme les parisiennes, habituée à porter chaque nouvelle mode, elle eût été présentable et acceptable, mais elle gardait la roideur d'un bâton. Or, Bête, qui depuis des années parle mystérieusement à ses cousines d'un amoureux à elle, a récemment révélé que c'était un réfugié livonien, une manière de polonais, de 29 ans, le comte Wenceslas Steinbock. Et ce jour même, pendant la visite de Crevel, elle précise à Orsens que Wenceslas est orfèvre. Elle lui montre un cachet fait par lui et ajoute qu'il a mis en vente, chez un brocanteur qu'elle indique, une de ses œuvres, un groupe de bronze. Hortense commence à rêver à Wenceslas, envahie par l'amour à l'état vague dont les passés se concrétisent autour d'une figure, jetée par le hasard, comme les floraisons de la gelée se prennent à des brins de paille suspendus par le vent à la marge des fenêtres.